Présentation demain au TD Garden de Boston du UFC 220. On va parler avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny, ça va? Ça va bien Claude. Écoute, je suis en train de voir un petit peu la carte des combattants. Il y a Daniel Cormier qui ça me dit quelque chose. Puis je connais même pas le sud de la finale. On me dit que c'est des poids lourds. Oui, oui, ben c'est ça. C'est une carte qui. Il y a deux très bons combats principaux, là. Ouais. Les autres combats sont pas connus là, du public là, beaucoup. Là. Okay. Mais on a toute une mais la finale et la demi-finale, par contre, là, on a une super carte, là. Justement avec Stipe Miocic, le champion chez les lourds du UFC. Okay. Qui va défendre son titre contre Francis Ngannou. C'était il parle français c'est un français d'origine, pas un français, mais il parle français. Puis, okay. Ce gars-là, il savait même pas c'était quoi le MMA v'là 3 ans. Puis, mais c'est tout qu'un spécimen physique. Il fait 260 livres, il fait 6 et 3. Un gros, gros bonhomme, là. Tout, très, très, très athlétique. Ça va être tout qu'un combat parce que c'est des poids lourds, en plus. Fait que ça, c'est tout à plus le fun à voir. Et les deux gars peuvent tomber n'importe quand. Ça va être une belle finale. OK. Et Daniel Cormier, ben, c'est un gars que je connais, ça. C'est un gars que j'ai vu contre John Jones l'autre jour. Qu'est-ce que tu t'attends à ce combat-là? Ben, Daniel Cormier, c'est sûr, tout le monde le connaît. Ouais. Il a juste été battu par John. Il a battu tout le monde sauf John Jones, en fait. Ouais. Alors, c'est un très bon combattant. On le connaît, il vieillit là, tranquillement pas vite. Il doit sur ses derniers milles, là, Daniel, d'après moi. Sur ses derniers combats. Il est encore très compétitif, mais il vieillit quand même. Il a fait de la compétition toute sa vie. Il va se battre contre un adversaire qui est peu connu, là, Volkman, mais disons que je pense que Volkman n'a pas rencontré beaucoup d'adversaires là, du type de la trempe de Cormier dans sa carrière. Là. Ça va être vraiment, vraiment un gros, gros test pour lui. Je m'attends pas à ce qu'il réussisse à embêter de Cormier tant que ça. Puis je crois que Cormier va finir ça relativement tôt dans le combat, peut-être dans les deux premiers rounds là, par ground and pound ou quelque chose comme ça. OK. Y a-t-il d'autres combats qui sont intéressants ou encore que des gens qu'on connaît pas beaucoup, mais qui pourraient quand même être intéressants que tu as regardé là? Ben, il y a beaucoup de jeunes, là, c'est sûr. Il y a deux, trois petits combats le fun. Mais comme je vous disais, c'est pas des gens qui sont connus. On n'a pas des gens connus ici. C'est sûr, il y a Gleison Thibault. Là. Thibault, il donne tout un bon show qui va se battre après carte. Là. Il y a une couple de bons gars. Mais sinon, c'est pas des gens connus là, par le public moyen. Là. OK, OK. Ben, Claude, on s'en reparle de quoi la semaine prochaine ou au prochain UFC? Oui, monsieur. Voilà, donc c'était Claude Perron, notre spécialiste d'arts martiaux mixtes.